الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في دراسة كتاب جديد وهو كتاب كشف الشبهات للإمام شيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقد مر معنا أن تدارسنا كتابين للمؤلف رحمه الله وهما القواعد الأربع والأصول الثلاثة. فعندما درسنا كتاب القواعد الأربع ذكرنا ترجمة للمؤلف رحمه الله، إذن سنذكر باختصار ترجمة الشيخ، فهو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، وولد سنة 1510 للهجرة. ولد في بيت علم وشرف، فأبوه كان عالما، وكان جده كذلك سليمان مفتيا للنجد، كان مفتي النجد، والنجدية منطقة الرياض حاليا عاصمة المملكة العربية السعودية، فكان مفتي نجد وقاضيها. فنشأ في هذا البيت وحوله علماء وطلبة العلم، فنشأ في بيئة علمية، فتوجه من صغره إلى طلب العلم، فحفظ القرآن رحمه الله قبل بلوغه 10. فدائما عندما تقرؤون سير العلماء تجدون أن أول ما يتجهون إليه في دراستهم هو حفظ القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الأصل وهو الأساس. فالذي يدعو إلى طلب العلم ولا مجال لحفظ القرآن في منهجيته فيعلم قطعا أنه على خطأ، وإن درس ألف كتاب. فالقرآن الكريم هو الأساس، حفظ القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم هو الأساس، لأنه كتاب الله تبارك وتعالى. فحفظ القرآن قبل بلوغه 10 ثم اتجه إلى الفنون الأخرى كاللغة العربية والفقه وأصوله وعلم الحديث إلى غير ذلك من الفنون. Donc nous allons citer brièvement la biographie de l'auteur afin de rentrer rapidement dans le livre. Donc nous avions cité une biographie plus détaillée lorsque nous avions expliqué le livre Al-Qawaid Al-Arba. Donc l'auteur du livre est Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Suleyman Al-Tamimi. Donc il est né en 1115 de l'Égypte, donc dans une maison de gens de science. Donc son père était un savant et son grand-père était le mufti de Najd. Et Najd, c'est la région de Riyad à l'heure actuelle, donc la capitale du royaume d'Arabie Saoudite. Et donc dès son plus jeune âge, il s'est dirigé vers la recherche de la science religieuse. Et donc il a appris le Coran avant même d'avoir atteint 10 ans. À 10 ans, il avait déjà mémorisé le Coran. Et vous trouverez toujours, lorsque vous lisez la biographie des gens de science, que ce soit Cheikh l'Islam ici, ou bien même plus ancien à l'époque des tabi'in ou ceux qui les ont suivis, vous trouverez que la première chose vers laquelle ils se dirigent, c'est la mémorisation du Coran. Car c'est la base. C'est la base de tout. On ne peut prétendre être un étudiant en science sans se diriger premièrement vers la mémorisation du Coran. Donc c'est la base de tout et personne n'est jamais sorti de cette manière d'apprendre. Et ensuite, il s'est dirigé vers, après avoir clôturé la mémorisation du Coran, il s'est dirigé vers donc, les autres sciences, comme la science de la langue arabe, al-fiqh, al-usul, al-tafsir, mustalah al-hadith, al-hadith, donc toutes les autres sciences qui aident à comprendre cette religion. ثم رحل في طلب العلم فذهب إلى الحجاز المدينة ومكة وذهب إلى نجد فطلب العلم على علمائها ورحل كذلك إلى البصرة في العراق ودرس على علمائها ثم رجع إلى بلده وهذا شأن طالب العلم فإنه يدرس أولا في بلده فإذا تعلم من علماء بلده فإنه يرحل ويذهب إلى الأماكن الأخرى فبعد أن طلب العلم على علماء النجد ذهب إلى مكة والمدينة ثم إلى البصرة ثم رجع إلى بلده حتى يدعو إلى الله تبارك وتعالى مما تعلم. Donc ensuite, après avoir pris la science donc des savants de Najd, il s'est ensuite dirigé vers la Mecque, vers Médine, vers Al-Basra, donc pour étudier auprès des savants à ces endroits-là. Ensuite, il est revenu vers donc son lieu de naissance afin d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ainsi qu'il faut faire, prendre la science pour ensuite faire profiter les gens donc de notre pays. وكان الناس في زمانه في أسوأ حال من جميع النواحي في النواحي الدنيوية والنواحي الدينية. في النواحي الدنيوية كان الناس أن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا الأقوى يأكل الأضعف. أما في من ناحية دينية فقد فشى فيهم البدع والمنكرات والشرك بجميع أنواعه، الشرك الأصغر والشرك الأكبر المخرج من الإسلام. فكان بعض الناس يصرف أنواعا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فيدعو غير الله ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله. فجاء محمد بن عبد الوهاب فأراد أن يرجع الناس إلى الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وسنرى في الكتاب وقد مر معنا أنه لا يكفي للإنسان أن ينطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حتى يكون مسلما. هذا لا يكفي. إن كنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تأتي بما يناقض هاتين الشهادتين فأنت لست بمسلم، كأن تستغيث بغير الله وتنذر لغير الله وتذبح لغير الله وتدعو غير الله أو تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. فمن فعل ذلك فهو مشرك، من فعل ذلك فهو مشرك وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فكيف أنت بعد ذلك تعبد غير الله سبحانه وتعالى؟ فقام بتجديد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في بلده، فدعا إلى الله ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، وعلمهم من جديد معنى التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il est revenu à son pays pour enseigner aux gens donc ce qu'il avait appris. Et les gens là où il vivait vivaient dans une mauvaise situation. Donc que ce soit d'un aspect religieux ou bien d'un aspect mondain. Donc par exemple, ils s'entretuaient. Il y avait beaucoup de guerres de tribus. Ils s'entretuaient sans réelle raison. Et le plus fort prenait le dessus sur le plus faible. Et donc le plus faible se trouvait donc prisonnier du plus fort. Et religieusement, il y avait également beaucoup de perversité qui était présente chez ces gens-là. Et il y avait également des innovations religieuses et également de l'association. C'est-à-dire qu'on associait Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Que ce soit la petite association ou la grande association. Et donc, Cheikh l'Islam est revenu donc pour ramener les gens vers le message donc originel avec lequel était venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en se basant sur les textes du Coran et de la Sunna et les paroles des compagnons ou bien des tabi'in. En leur montrant que il ne suffit pas de prononcer les deux shahada, shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, pour être musulman. Donc il faut absolument comprendre le sens de cela et ne pas faire quelque chose qui va à l'encontre de cela. Donc le fait d'invoquer autre qu'Allah, le fait de demander secours auprès d'autre qu'Allah, le fait de faire des vœux vers autre qu'Allah, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, tout cela va à l'encontre du sens de la ilaha illallah. Donc il est revenu pour les ramener donc à la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa bada'a yu'allifu kutuban wa rasail li ajli hadha. Fa min awa'il al-kutub allati alafaha القواعد الأربع والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، فهذه الكتب كلها تدعو إلى إرجاع الناس إلى التوحيد الصحيح. فقام أناس فأعلنوا العداوة للشيخ. أعلنوا العداوة للشيخ لأنه الآن يدعو إلى شيء جديد، وكل من دعا إلى شيء جديد عودي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي ورجع من غار حراء ودخل بيت خديجة رضي الله عنها وهو يرتعد ويرتعش، فقال زملوني، ثم ذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان رجلا نصرانيا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث له في غار حراء. ماذا قال له ورقة ابن نوفل؟ يا ليت لي جذعان إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم سيخرجونني؟ فقال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلى عودي، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذه سنة الله تبارك وتعالى. من دعا إلى شيء لم يتعود عليه الناس فإن الناس يعادونه ولا يحاولون أن يناقشون وأن يناظرون، لا. فعاد أو عاد هؤلاء الشيخ وافتروا عليه وأتوا بشبهات حول دعوة الشيخ، فقالوا أن الشيخ محمد بن الوهاب يكفر المسلمين، يكفر المسلمين، يعني يقول أن هؤلاء كفار. فبين موقفه أن من يصرف شيئا من العبادة لغير الله فليس بمسلم، فيبين أن حق له أن يكفره، حق له أن يكفره لأنه يعبد غير الله. ما الفرق بينه وبين كفار قريش إذن؟ فهو الذي سنرى في الكتاب. وأتوا كذلك بشبهات تدافع عن ما هم عليه من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فهذا الكتاب هو إجابة لهذه الشبهات، ولهذا سماه كشف الشبهات. Donc ensuite il a eu des ennemis donc qui étaient contre sa da'wa et son prêche. Car donc comme cela est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un prophète qui soit venu à son peuple ou un messager sans qu'il ne trouve devant lui des ennemis. Et toute personne également suivant la voie des prophètes forcément recevra ou bien trouvera devant lui des ennemis essayant donc de bloquer son prêche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la première révélation est venue fi ghari Hira, dans la grotte de Hira, et qu'il est retourné chez son épouse Khadija radiallahu anha, donc, et qu'il lui a expliqué ce qui lui était arrivé, elle a décidé de l'emmener vers un homme qui s'appelle Waraqa ibn Nawfal. C'était son cousin, le cousin de Khadija. Et il était chrétien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conté ce qui lui était arrivé et il lui a dit: si seulement je suis vivant et que j'ai la force donc de t'aider lorsque ton peuple va te sortir, j'aimerais être là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été surpris en lui disant: ils vont m'expulser, c'est-à-dire de la Mecque. Waraqa ibn Nawfal lui a dit: il n'y a pas une personne qui vient avec la même chose avec laquelle tu es venu sans qu'il ne trouve devant lui des ennemis. Il ne trouve devant lui des ennemis. Et c'est ce qui est arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, dès qu'il a appelé à l'islam, à la ilaha illallah, devant lui, il a trouvé automatiquement des ennemis qui l'ont même obligé donc à quitter la Mecque. Donc ici également, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahab a trouvé des ennemis devant lui qui ont commencé donc à citer des ambiguïtés sur son prêche pour éloigner les gens de son prêche qui commençait justement à avoir beaucoup de soutien dans la péninsule arabique, en Égypte, en Inde, donc à plusieurs endroits du monde, sa da'wa commençait à avoir donc un grand impact. Et donc, ils ont cité donc des ambiguïtés et des mensonges sur Cheikh et sa da'wa afin d'éloigner les gens de cela. Et donc, parmi les choses qu'ils ont citées, c'est que « wa yukafiru al-muslimin » en disant qu'il rend mécréants les musulmans. Et lui, il explique clairement que toute personne qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas musulman. Il va expliquer clairement également la chose pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu son peuple. Et également il va expliquer clairement quelle était la croyance des gens de Quraysh. Qu'est-ce qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a divergé avec son peuple. Et il va expliquer également clairement que toute personne qui adore autre qu'Allah n'est pas musulmane, même si elle témoigne que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah. فهذا الكتاب هو من أهم المصنفات للإمام محمد بن عبد الوهاب، فهو جواب كتبه الإمام جوابا عن ما أورده الخصوم لدعوته، وقد عني العلماء وطلبة العلم بدراسة هذا الكتاب منذ إصداره ومنذ تأليفه. Donc ce livre est un livre important. Est un livre important donc que Cheikh a écrit pour justement répondre aux accusations donc de ses ennemis par rapport à son appel et à sa da'wah. Et depuis l'écriture de ce livre, les savants et les étudiants ne cessent jusqu'à nos jours d'étudier ce livre qui est un livre donc très très important. Donc certains savants l'explique, certains savants font des notes dessus, d'autres savants, que ce soit à l'écrit, que ce soit en cours enregistré, donc les savants ne cessent d'expliquer donc ce livre, car c'est un livre donc très important qui est enseigné donc dans les mosquées à travers le monde. من العلماء الذين شرحوا هذا الكتاب العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وهنا كتاب كذلك للشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن مانع، وهي تعليقات يسيرة على الكتاب، وكذلك الشيخ محمد حامد الفقي، وكذلك هناك أشرطة مسجلة للشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ عبد العزيز الراجحي والشيخ صالح آل الشيخ رحمة الله على الجميع وحفظ الأحياء منهم. Donc depuis toujours, donc, les savants ne cessent donc d'expliquer ce livre, que ce soit à l'écrit, à l'audio. Donc vous trouverez le char de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, donc en livre, également celui de Cheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah. Également, vous trouverez Taliqat de Cheikh Mohamed ibn Abdelaziz ibn Mania et Cheikh Mohamed Hamid al-Faqih. Et il y a même donc des choses que vous pourrez écouter comme l'explication de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, Cheikh Abdelaziz Al-Rajahi et d'autres. فهذه الرسالة تسمى برسالة كشف الشبهات. ونعني بكشف الشبهات إزالة الاعتراضات والإشكالات في توحيد الإلهية. فهذا الكتاب هو عبارة عن أجوبة محكمة عما قد يشتبه على كثير من الناس في هذا الباب. Donc ce livre est censé donc faire disparaître toutes les ambiguïtés et toutes les accusations que les ennemis de cette da'wa mubaraka, donc le renouveau de l'appel à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, donc une réponse à toutes ces accusations. Donc keshf, c'est-à-dire raf'u al-shay' 'an ma qad yughatti. Donc le keshf, c'est le fait de retirer quelque chose qui a recouvert une autre chose, donc retirer un couvercle, c'est ça ce que l'on appelle al-keshf. Kashaftu an ra'si, donc ma tête était recouverte, je l'ai découverte. Wa ash-shubuhat huwa jam'u shubha wa yujma' kadhalika 'ala shubah wa huwa al-iltibas wa summiyat shubha li'annaha تشبه الحق لأنها تشبه الحق. Donc shubha, c'est ce que l'on peut traduire par ambiguïté. Donc on va découvrir les ambiguïtés. Shubha, ça a été appelé ainsi car ça ressemble à la vérité. Ça vient du mot shabaha ou ashbaha yushbihu, qui veut dire ressembler. Ça ressemble à la vérité, car vous allez voir que les mouchrikoun, pour appuyer ce sur quoi ils sont, ils rapportent des preuves du Coran, des hadiths, des athars, israéliettes, etc. فهذا الكتاب هو من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الباب وينقسم هذا الكتاب على أربعة أقسام القسم الأول المقدمة المؤلف رحمه الله أتى بمقدمة بين فيها معتقد المشركين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسهل عليه أن يبين محل النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وسيذكر أن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام القسم الثاني الرد على الشبه وهي ما يقارب من 9 شبه سيرد عليها الإمام رحمه الله بالأدلة من هذه 9 شبه 40 كبار المؤلف رحمه الله سماها شبه كبار وقبل ذلك سيذكر الرد الإجمالي على هذه الشبه القسم الثالث رد على بعض أدلة المعارضين وهي 4 أدلة كما سنرى ثم الخاتمة بين فيها المصنف أهمية التوحيد وركنية العمل به وركز على هذا الجانب وتحدث عن بعض الأعذار الواهية المانعة من العمل بالتوحيد Donc le livre on peut le diviser en 4 parties Donc la première partie c'est l'introduction Donc l'introduction qui va permettre à l'auteur rahimahullah de répondre donc aux accusations de ses ennemis L'introduction, dans cette introduction, il va montrer quelle était la croyance des associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle était leur croyance face donc à la rububiyya, donc la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et face à l'uluhiyya. Et il va citer justement que les associateurs de la Mecque croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala et ils croyaient également que c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés que c'est lui qui leur donne leur subsistance mais malgré cela ils associaient avec Allah subhanahu wa ta'ala donc le fait de montrer la croyance de ces gens là va permettre à l'auteur justement de montrer quelle était donc la divergence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple La deuxième partie du livre, donc, il va répondre aux différentes ambiguïtés. Et donc, elles sont environ de 9 ambiguïtés. Donc, il va répondre à cela par des preuves claires. Et parmi ces 9, il y a 4 plus importantes que d'autres. Et avant cela, avant même de répondre aux ambiguïtés, il va répondre ce que l'on appelle « al-rad al-ijmali ». Il va citer donc une réponse générale à toutes ces ambiguïtés avant de répondre ambiguïté par ambiguïté. La troisième partie, il va répondre aux preuves qu'apporte donc al-mushrikoun pour appuyer leur adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici des preuves du Coran et d'ailleurs. Et donc la quatrième partie du livre, donc c'est la fin, al-khatima. Donc dans cela, l'auteur va nous rappeler l'importance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cela est un pilier de mettre en application d'appliquer le tawhid et que toute personne qui sort de cela sort de l'islam. Et il va donc parler de cela à la fin du livre. فيقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أن التوحيد وإفراد الله سبحانه بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر سور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون الأوائل يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره إذن يقول اعلم رحمك الله أن التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة يأتينا المؤلف رحمه الله في افتتاح هذا الكتاب بتعريف لكلمة التوحيد فقال وإفراد الله بالعبادة عرف التوحيد ببعض أفراده وإلا فالتوحيد أعم من ذلك التوحيد يراد به بمعناه العام إفراد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فهو عرف التوحيد بجزء منه وهو إفراد الله بالعبادة وعرف الشيخ التوحيد بأهم أنواعه وآكدها لأن توحيد العبادة هو الغاية والقصد وأما توحيد الربوبية والأسماء والصفات فهو وسيلة وسبب في تقرير العبادة فلا يصح إسلام المرء حتى يحقق توحيد العبادة Donc l'auteur, rahimahullah, il a commencé le livre en disant « I'alam, rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde que التوحيد, donc l'unicité, c'est le fait de donner toute l'adoration à Allah seul. Ifradullahi bil'ibada. Donc c'est la définition qu'a donnée l'auteur au mot التوحيد. Et ça, vous trouverez cela souvent dans plusieurs de ses ouvrages, rahimahullah. Donc il a cité التوحيد en le définissant par une de ses parties. Donc, une de ses parties. Sinon, le mot tawhid est plus vaste que cela. Lorsque l'on parle de tawhid, on parle de trois choses. On parle de توحيد الربوبية، توحيد الألوهية et توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes. C'est-à-dire le fait de dire que nul en dehors d'Allah ne crée, nul en dehors d'Allah ne donne la vie, nul en dehors d'Allah ne donne la mort, nul en dehors d'Allah ne donne la subsistance. C'est ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya. Ensuite, nous avons Tawhid al-Uluhiyya, c'est le fait d'unifier Allah par nos actes à nous, nos actes d'adoration. Le fait de n'invoquer personne en dehors d'Allah, le fait de demander secours à personne en dehors d'Allah, le fait de sacrifier pour Allah seul, prier, jeûner, faire le hajj pour Allah seul. C'est ce qu'on appelle Tawhid al-Uluhiyya. Et ensuite, nous avons Tawhid al-Asma'i wa Sifat. C'est le fait donc d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Dans ses noms et ses attributs. Donc, en attribuant à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est attribué à lui-même comme nom et attribut, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans dénuer ses noms et ses attributs de leur sens, et sans également faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc il a donné comme définition ifradullah bil ibada, c'est-à-dire le fait de consacrer toute l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc ça c'est une partie parmi le sens du tawhid. Mais donc il a cité cela car tawhid al-uluhiyya c'est la partie la plus importante, et c'est également, donc comme on va expliquer, le point de divergence entre les prophètes et leur peuple. C'était l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et donc Tawhid al-Ibada, c'est le but. Le but de Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Donc le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul crée, ou bien donne la subsistance, ou donne la mort, ou donne la vie. Le but de croire en cela, c'est justement d'adorer Allah seul par la suite. Sinon, le seul fait de croire cela et ensuite d'adorer autre qu'Allah, c'est exactement ce que faisaient les polythéistes de la Mecque. Wa huwa dinu ar-rusuli alladhi arsalahum Allah bihi ila ibadi. Wa awwaluhum نوح فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين والدين وسواع ويعوث ويعوق ونسر. فهذا التوحيد هو دين الرسل قاطبة، فما من رسول إلا ودعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعندما يقص الله تبارك وتعالى علينا قصص الأنبياء، ما من نبي إلا هو يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد ودين الرسل كلهم. Donc il nous dit ensuite que التوحيد c'est la religion de tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé vers ses serviteurs. Donc il n'y a pas un prophète sans qu'il n'ait appelé son peuple à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc comme cela est cité dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui leur ordonnait d'adorer Allah et de s'éloigner du taghut, donc l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit également, lorsqu'il cite donc les récits des prophètes, chacun disait à son peuple, Ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayru. Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Donc tous les messagers ont appelé donc à ce message. « فأولهم نوح. نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، لأن أول قضية شرك وقعت في قوم نوح عليه السلام. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلها على التوحيد، ثم وقع ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة نوح عندما يعني أشركوا مع الله تبارك وتعالى. والدليل على أن أول رسول هو نوح عليه السلام هو حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، عندما يبعث الله تبارك وتعالى الخلق من أولهم إلى آخرهم عراة حفاة غرلا، وتدنو منهم الشمس، تدنو الشمس من رؤوس العباد، فيكونون في كرب شديد، فيقترح بعضهم أن يستشفعوا، أن يطلبوا من بعض العباد أن يشفعوا عند الله تبارك وتعالى حتى يقضي أو أن حتى يقضي ويحكم بينهم أو يحكم العباد، فيذهبون إلى حب الخلائق إلى الله تبارك وتعالى وهم الأنبياء والرسل، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى وعيسى، ثم ينتهي مطافهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما ذهبوا إلى نوح عليه السلام قالوا له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. Donc il nous dit que le premier messager c'est Nuh alayhi salam. Donc Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il nous dit que entre Adam alayhi salam et Nuh il y a 10 siècles, entre Adam et Nuh il y a 10 siècles qui étaient tous sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y avait pas eu de cas de polythéisme, d'association. Donc toute adoration qui était faite, elle était faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier cas d'association, c'est le cas qui a eu lieu à l'époque de Nuh alayhi salam. Donc c'est pour ça que Allah a envoyé Nuh pour les ramener à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et donc c'est le premier messager. Il y a dans Sahihain le hadith qu'on appelle hadith al-shafa'a, c'est le hadith de l'intercession. Le hadith qui cite que Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, donc il va ressusciter tous les hommes, du premier jusqu'au dernier. Ils seront nus, nu-pieds et non circoncis. Et le soleil se rapproche de leur tête. Et ils seront dans un jour terrible, un jour très très dur. Et donc, un jour dont la durée est de 50 000 ans. Donc, les gens voudront que Allah subhanahu wa ta'ala les juge le plus rapidement possible afin de sortir de ce jour-là, sans savoir que le châtiment qui les attend peut-être dans l'au-delà est plus dur encore. Donc, ils diront: comment faire afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous juge le plus rapidement possible et nous allège ce jour-là? Donc, ils décideront de se rendre vers les prophètes. Car donc ce sont eux qui sont les plus aptes à intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils passeront d'un prophète à un prophète. Ils passeront par Adam, ensuite Nuh, ensuite Ibrahim, ensuite Moussa, ensuite Isa alayhi salam, pour finir par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui demandera à Allah subhanahu wa ta'ala donc de juger les gens. Ce que l'on appelle shafa'atu al-uzma, ou al-maqam al-mahmoud. Lorsqu'ils se rendront vers Nuh alayhi salam, ils lui diront: Anta awwal rasulin arsalahu Allah ila ahli al-ard. Tu es le premier messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux gens de la terre. طيب قبل آدم قبل نوح يوجد أناس يوجد آدم عليه السلام ويوجد إدريس على خلاف وشيث. طيب ماذا نقول عن هؤلاء؟ آدم ونبي وليس برسول، كذلك إدريس وكذلك شيث، هؤلاء أنبياء. والفرق بين الرسول والنبي أن الرسول هو من أرسل إلى قوم كفار يدعوهم إلى شرع جديد. من أرسل إلى قوم كفار يدعوهم إلى شرع جديد. أما النبي ومن أوحي إليه وأمر بالتبليغ وكان على شريعة الرسول الذي قبله. فعلى هذا التعريف فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، كل رسول نبي وليس كل رسول نبي رسولا. Donc il y a avant Nuh alayhi salam, Adam, Idris, un autre prophète que l'on appelle Shith. Donc ces hommes-là sont des prophètes, Anbiya. Et Nuh, Rasul. Donc il y a une différence entre An-Nabi ou Rasul. Il y a certaines personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait la révélation et qu'ils n'étaient que des prophètes. Et d'autres sont au-dessus de cela, ils sont messagers. Ils sont messagers. Le messager, Rasul, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie à un peuple mécréant. Un peuple mécréant, et il les appelle à une nouvelle religion. C'est ce que l'on appelle Rasul. Al-Nabi, c'est celui donc qui reçoit une révélation divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui est demandé de transmettre cette révélation. Mais cette révélation est là pour appuyer la religion ou bien le message d'un messager précédent. Comme pour Anbiya Bani Israël. Ba'da Moussa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul anna Bani Israël kanat tasusuhum al-Anbiya. Il nous dit que les Bani Israël, ils étaient toujours guidés par des prophètes. إِذَا هَلَكَ نَبِيٌ خَلَفَهُ نَبِيٌ. Lorsqu'un prophète mourait, Allah subhanahu wa ta'ala aussitôt lui envoyait un autre prophète. D'ailleurs, ces prophètes, ils jugeaient avec quoi? Avec Taurat. التي أنزلت على موسى. Ils jugeaient avec la Taurat qui a été envoyée à Moussa. Moussa était Rasoul. Et tous ces prophètes n'étaient que des prophètes, donc ils jugeaient avec donc, la législation de Moussa alayhi as-salam. إذن قوم نوح غلوا في الصالحين والدين وسواع ويغوث ويعوق ونسر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري يقول: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. هذه الأسماء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا يعني قوم نوح أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. إذن هذه الأسماء الخمسة أسماء رجال صالحين كان فيهم صلاح وعبادة وتقوى. فعندما مات هؤلاء الخمسة فإن قومهم قالوا: سننصب تماثيل على سورة هؤلاء الرجال الخمسة، حتى إذا رأيناهم ونظرنا إلى هذه التماثيل تذكرنا عباداتهم وتذكرنا تقواهم وصلاحهم، فنتشجع للعبادة نحن. هذا هو الذي كان قصدهم الأول. ولكن هؤلاء الذين نصبوا التماثيل كذلك ماتوا، فجاء جيل جديد وجدوا هذه التماثيل وهذه الأنصاب وفكروا ما غاية وجود هذه التماثيل. فجاء الشيطان فقال لهم إن أسلافكم وأجدادكم كانوا يدعون هذه التماثيل حتى تشفع عند الله تبارك وتعالى، فوقعت أول قضية الشرك على وجه الأرض في قوم نوح عليه السلام. Donc il nous dit que le peuple de Nuh alayhi salam donc ont exagéré par rapport aux gens vertueux. Donc il y avait 5 personnes qui étaient vertueux à l'époque de Nuh alayhi salam. Il y a eu donc Wad wa Suwa' wa Yaghouth wa Ya'ouq wa Nasr. Ces gens-là étaient des gens pieux et vertueux. Donc ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala et faisaient beaucoup d'efforts. Lorsque ces 5 personnes sont décédées, leur peuple ont voulu se rappeler d'eux. Donc ils ont fait à leur effigie des statues, à leur effigie, dans le but de se rappeler l'effort que faisaient ces gens dans l'adoration, afin qu'eux-mêmes en fassent d'eux-mêmes. Donc lorsque je vois cette statue, je me rappelle donc le bien et la vertu et l'adoration sur laquelle étaient ces gens, et donc cela me motive à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et prendre exemple sur eux. Donc voilà quel était le but de ces gens-là lorsqu'ils ont donc élevé ces statues. Sauf que ces gens-là également ont disparu jusqu'à ce qu'est venue une autre génération qui ont trouvé ces statues sans savoir pourquoi elles étaient là. C'est alors que Shaitan est arrivé en disant aux gens que vos ancêtres imploraient ces statues afin qu'ils intercèdent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce fut le premier cas d'association sur terre. يقول المؤلف رحمه الله وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، هذه أسماء قبائل وأسماء أماكن. أما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالح من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه من ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. رواه البخاري. Également, donc ces mêmes adorations à l'époque de Nuh alayhi salam furent adorées jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, à l'époque des Arabes. Comme le dit Abdullah ibn Abbas, donc il nous cite dans Al-Bukhari, donc chaque tribu à qui appartenait Wad, Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq, Nasr. Donc il nous dit que Wad appartenait à la tribu de Kelb, Suwa' à la tribu de Hudhayl, Yaghouth à Murad et Bani Rutayf, Ya'ouq appartenait à Hamadan et Nasr était à Himyar, li Ali vi al-Kila'. فيقول وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر سور هؤلاء الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله تبارك وتعالى ودعا إلى توحيد الله، فعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وكان حول البيت 630 نصبا تمثال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في يده وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم c'est lui qui a brisé ces statues. C'est lui qui a brisé ces statues. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé sallallahu alayhi wa sallam, donc pour appeler les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, lorsqu'il est revenu à la Mecque, donc après avoir émigré à Médine, l'année 8, donc il y a eu Fath Mecca, la reconquête de la Mecque. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque et il y avait autour de la Kaaba 360 statuettes. 360 statuettes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc est passé autour de toutes ces statuettes en les poussant avec son bâton en disant ja al-haqu wa zahaqa al-batil, la vérité est venue et le faux a disparu, ja al-haq wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id, la vérité est venue et le faux ne reviendra plus. Yaqul al-shaykh العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله في كتابه التقريرات على كشف الشبهات. محمد ابن إبراهيم، من يعرفه؟ كي محمد ابن إبراهيم الشيخ محمد ابن إبراهيم، نعم، وكان مفتي المملكة العربية السعودية قبل الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو شيخه وهو الذي أوصى به. Donc الشيخ محمد ابن إبراهيم c'est celui qui était مفتي d'Arabie Saoudite avant الشيخ عبد العزيز بن باز، et c'est son professeur et c'est lui qui a demandé justement que الشيخ ابن باز donc prenne sa place après sa mort. Il a un livre qui s'appelle التقريرات على كشف الشبهات. Donc quelques notes sur ce livre Kashf Shubuhat. Il nous dit, après avoir cité donc l'histoire de Nuh alayhi salam et l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi salam, il nous dit فانظر الى اثر الشرك وعروقه اذا علقت متى تزول وتنمحي فهذه فان هذه الاصنام بقيت من يوم او من يوم عبدت من دون الله حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكسرها. Donc il nous dit, regardez les traces de l'association. Les traces de l'association et ses racines. Lorsque donc l'association s'empare d'un peuple, combien de temps faut-il afin que cela disparaisse? Donc ces statuettes sont restés du jour où elles ont été adorées, à l'époque de Nuh alayhi salam, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour les briser. Donc plusieurs siècles. Plusieurs siècles, donc pour montrer la gravité et le danger de l'association. Et que c'est une chose dont il faut s'éloigner, car lorsque elle s'empare d'un peuple, ça prend énormément de temps afin que cela ne disparaissent. نكتفي ب بهذا ونكمل الأسبوع القادم ونطلب من الإخوان أن يقتنوا الكتاب. Donc on demande à tous les frères, jazakumullah khairan, qui veulent assister au cours d'avoir le livre avec eux. Car sinon c'est très difficile de suivre. Donc vous prenez avec vous le livre. Donc il y a des livres qui sont traduits en français, en arabe. Et vous prenez avec vous un stylo et un cahier. Romal SF, Leysa, Awwal Kitab bin Nabtadi. Donc c'est pas la première fois qu'on commence un livre. Alhamdulillah, dès qu'on commence un livre, il y a toujours du monde. Mais plus on avance dans le livre, plus il y a certaines personnes qui disparaissent. Là, il faut que les frères, au premier cours, justement, ils se motivent pour assister au livre du début jusqu'à la fin. Assister au livre du début, surtout les livres qui parlent de choses essentielles de la religion. La présence du musulman dans ces cours, ça prouve l'intérêt qu'il porte à cette religion. Ça prouve l'intérêt qu'il porte à cette religion. Donc, dès aujourd'hui, bi'iznillah tabaraka wa ta'ala, on se motive. Et donc, chacun apporte le livre avec lui et un cahier et un stylo pour pouvoir noter les choses qui sont dites. Nasallallahu alayhi wa ta'ala an yaghfira lana wa li walidina wa li sa'ilil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.